Alors, c'est pour ça que la question fondamentale, c'est avant de se dire, « Ouais, mais j'aimerais ça avoir comme lui, il y a ça, ça, ça, ça, ça, ça. » Est-ce que ça sert? Ou si c'est là? La mécanique. Quand l'être humain augmente sa conscience, il doit commencer à manipuler. Première forme de manipuler, l'humain doit manipuler l'être humain, au-delà de l'humain, au-delà nécessairement de l'animal humain, celui qui vit en troupeau. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, doit manipuler tous les égaux. C'est ce que tu fais? Oui. C'est sine qua non. Si on ne fait pas ça, on ne change pas de souffleuse. On peut espérer qu'un dieu, qu'un ange, qu'un archange, qu'un n'importe quoi vienne, et il vienne réparer notre souffleuse, un mécanicien céleste, un amancheur de carrosserie céleste. On peut espérer bien des choses. C'est évident que si on espère, un jour, on aura notre résultat. Ouais. Dans 15,5 milliards d'années, effectivement, on va avoir notre résultat. Total, global, final. Il y a celui qui n'espère pas qui change. Il y a celui qui espère. Puis dans 10 ans, les deux ont la même chose. Mais les deux sont manipulés. Il y en a un qui a passé à souffrir pendant 10 ans de temps avec son espoir, puis l'autre qui a changé. Les deux sont-ils manipulés? Absolument. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu es manipulé d'avoir la bonne souffleuse, puis moi, la pas bonne? J'ai manipulé celui qui manipulait. Comment tu fais ça? On y revient. Donc, manipuler tous les égaux. Je dois manipuler ton ego. Je dois manipuler l'ego de tout le public. Je dois manipuler l'ego de tout le Québec. Mais qui te manipule, toi, pour manipuler tous les autres égaux? Ça, c'est une autre question. Mais juste très important, je dois aussi manipuler l'un des égaux les plus dangereux. Le tien? Le mien. Je dis, celui qui veut changer de souffleuse doit manipuler les égaux. Le sien y compris. Si c'est l'ego qui veut manipuler les égaux, une guerre d'ego, donc, ça ne marche pas. C'est de l'orgueil. Ah, évidemment, je peux arriver à pousser une personne à partir une compagnie puis en envoyer un à faillite en mettant des coquerelles dans son restaurant. Bon, c'est intéressant. Sauf que veux pas, je n'évolue pas, je ne change pas, j'aurai les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes soifs, les mêmes angoisses. Je serai dans une grosse souffleuse, peut-être, puis je serai aussi gelé avec le Godard. Donc, ça ne va rien changer. M'a gueulé de la même façon. C'est pas ça qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on change aussi, il faut qu'on change de souffleuse, ça va de soi, mais il faut que ce qui rentre dans une nouvelle souffleuse soit ajusté. Si tu as une souffleuse avec un ordinateur, tu as le choix. Tu sors dehors, puis tu la pousses, tu rentres en dedans, puis tu la programmes. Mais tu n'as pas l'intelligence à programmer. Tu avais juste l'ego pour la désirer. Ben, tu es dedans, puis elle ne marche pas. Faut que tu sortes la poussée. Elle est juste plus pesante à pousser. Elle est plus grosse. Mais tu as la flat, tu l'aimes. Ah, oh, l'ordinateur, la mienne. Avec les autres en arrière. C'est donc que toi, tu as été manipulé à comprendre comment programmer l'ordinateur. Exact. Non, mais qu'est-ce qui fait que tu as été manipulé à apprendre à programmer? Parce que j'ai la réincarnation d'un de mes arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui savait comment programmer ça. Mais qu'est-ce qui fait que toi, Daniel Kemp, tu as été choisi pour ça puis pas Charles? J'ai pas été choisi pour ça, c'est une mécanique. Moi, je me suis choisi pour ça. Ben, tu dis qu'il n'y a pas de libre-arbitre, tu peux pas t'être choisi. Exact. J'ai été manipulé à me choisir. Regarde bien ceci. Et c'est un point très, très, très fondamental à comprendre pour n'importe quoi au niveau d'évolution. Il y a l'ego dans l'homme qui est manipulé par l'astral, tout à l'heure on l'a vu, puis il y a l'intelligence manipulée par l'intelligence qui descend dans l'homme. Présentement, moi qui te parle, je suis de l'intelligence. Alors, si tu me demandes qui me manipule, je dirais moi. Il n'y a pas de libre-arbitre, pas pour toi, mais il y en a un pour moi. Je suis de la conscience. Mais si je me mets au niveau de l'ego, qui m'habite encore, ben là, c'est autre chose. Je suis manipulé. Par qui? Par l'intelligence. Ben, c'est autre chose. Mon ego s'attache aussi à des souffleuses. Il y avait un dessin sur celle-là, là. Tout rouillé, mais il y avait un dessin dessus. Là, l'intelligence me prend, puis il me met une souffleuse que le dessin n'est pas dessus. Ah, mon ego n'est pas content. Il veut son dessin. Puis mon ego, ben, il n'y a qu'à apprendre. Manipuler pareil. Sauf que c'est plus efficace. Confortable, puis l'ego finit par s'y habituer. Mon ego finit par faire confiance à mon intelligence. Ce que dans la majorité des cas, ce n'est pas fait. On a un ego qui ne fait confiance qu'à ses mémoires, qui fait confiance aux mémoires des autres, à l'opinion d'autrui. Un ego qui fait confiance au collectivisme. Regarde, tout le monde n'aime pas ça, les chandails bleus. C'est sans doute que c'est pas beau. Tu sais, ils sont 1 million pour aimer ça, ils peuvent pas être 1 million de fous. Pourquoi pas? On s'entend bien. Alors donc, mon ego a fini par faire confiance à mon intelligence. Si on veut changer de souffleuse, c'est évident que tout le monde est passé par la même chose. On a en masse de connaissances, on a du savoir instantané. Savoir instantané, ça fait assez longtemps que j'explique qu'est-ce que c'est et comment s'en servir. Mon ego fait confiance à mon intelligence. La majorité des humains sur la planète Terre, leur ego ne fait pas confiance à leur intelligence. Leur ego fait confiance à l'intelligence des autres, mais l'autre, il ne fait pas confiance à la sienne. Donc, leur ego fait confiance à l'ego des autres. Tout à l'heure, il y en a une qui dit, c'est pas juste qu'elle fasse confiance à son intelligence. On va se casser la gueule dans le début. Moi, dans le début, c'était pareil. L'intelligence m'a dit, si tu veux avancer plus vite, pousse-la pas à la souffleuse. Va en avant, puis tire-la. Fallait pas que je m'en fâche, hein? Mais qu'est-ce qui a fait que toi, t'as été poussé à aller en avant de la souffleuse au lieu de pousser? Mais j'étais con. J'ai pensé que ça avait de l'allure. J'étais plus pressé que les autres, puis assoiffé, puis chialeux. J'étais en avant, j'ai tiré. En tirant, je me suis rendu compte que ça allait bien mal. Je contrôlais plus vitesse, je contrôlais plus rien. Si je tombais, elle me passait dessus. Fait que je suis retourné en arrière pour pousser. Puis là, ça m'a dit, non, va en avant. Il n'y a pas de danger. Tout est correct. Vas-y. Je suis retourné en avant. Doutant. Là, j'ai continué à tirer. Je me suis fait des petites poignées, puis je continue à tirer à souffleuse, puis il fallait pas que je m'en fasse. Je me suis enfargé deux fois. Il fallait pas être dans la souffleuse. Je suis retourné en arrière. Puis là, c'était crime. T'étais presque arrivé. Et là, je me suis rendu compte que non. Quand on veut évoluer, première face qui nous tombe sur la tête, c'est l'astral, le monde de la mort, qui joue à l'intelligence, qui nous donne des raisons jamais intelligentes. Des hosties de raisons, parce qu'il faut que l'astral comprenne bien la haine que j'ai contre ces conneries. Des maudites raisons dans le sens, toujours un peu comme les voix de Dieu sont impénétrables, sauf que là, c'est l'intelligence. Tu l'as dans le nez, t'es collé dessus, t'es sûr, et ça va changer, tu sais, ça s'en vient, les événements, ça va changer. Tu t'es rendu compte qu'on a un nez qui mesure 6000 de long. C'est pour ça qu'on le sent. On le voit même pas, mais on le sent que ça va changer. Mais c'est qu'à combien d'années? Ah oui, ben c'est ça. Là, je me suis rendu compte que j'étais pour changer de souffleuse dans 10 ans. Que je la tire, que je la pousse dans 10 ans. Ben, je me suis à côté de ça, la souffleuse. Elle va y aller pareil, de toute façon. Elle y allait pareil, la tourieuse. Mais là, j'avais décidé d'abandonner toutes les comptes, les incontinences divines qui passent leur temps à me dire quoi faire, quoi supporter, quoi. Là, j'étais tout seul, abandonné sur la planète Terre, plus rien, plus de Dieu, plus d'espoir, plus capote. J'étais à côté. Puis je me suis dit, on va voir si ça va marcher ou pas. Ça n'a pas marché. Tout le monde soufflait, puis moi, je ne bougeais plus avec ma neige en avant. Le voyage, il fallait que je rattrape le temps. L'affaire qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte, c'est que si je ne bouge pas, puis je n'ai pas bougé, j'ai attendu, je me suis rendu compte que lentement, les roues des autres ramassaient, faisaient un siphon, ça tirait un petit peu ma neige. Puis que lentement, ma souffleuse m'avançait tout seul. En arrière des autres, mais je ne poussais plus. J'étais tout en avant, poussé en tabarnouche. Qu'est-ce que ça te donnait? Bien, ça me donnait que j'étais totalement libéré maintenant de la peur. J'étais premièrement totalement libéré de l'idée que j'avais un libre arbitre du point de vue de l'ego, puis que c'est moi qui manipulais ma vie, puis que c'est moi qui décidais. Il y en a, j'en ai vu pousser sur la souffreuse. Il poussait, puis avançait pas plus vite que celui qui allait demain. Ça avance à la même vitesse. Ça va à la vitesse que ça va. Pousse ou pousse pas, ça va à la vitesse que ça va. Celui qui se fend derrière va arrêter de fumer, il va arrêter de fumer dans 2 ans. Mais s'il n'aurait rien fait pour arrêter de fumer, il aurait arrêté de fumer dans 2 ans pareil. C'est là qu'il arrête de fumer. Alors qu'il se fend de derrière pour arrêter de fumer avant, il souffre, il se promène derrière à terre. Il va arrêter quand même, quand chronométrement parlant, la mémoire qui est passée avant lui, ça c'est de fumer. Il ne peut pas faire autrement. Je me suis à côté et ça a fait la même affaire. J'ai continué à suivre. J'ai fait semblant d'aller à l'école. J'ai étudié en psychologie infantile, j'allais à Sainte-Justine à la place. Tout coulé mes cours par échec, par absence. J'allais comme ça. Je faisais la vie de tout le monde, personne ne savait, ça allait bien. J'ai même été dans un camp de vacances. À un moment donné, j'étais tellement, je n'avais pas de bol, je me suis poussé. Puis ils m'ont appelé chez nous pour me dire qu'il fallait que je revienne. J'étais assistant chef de camp. Je suis revenu, ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Je leur ai dit que j'avais raté une technique pour dormir en travaillant. Puis là, je me suis endormi, je me suis réveillé à Montréal. Puis j'ai essayé de faire du pouce en mon allant. Ben, cette gueule, je l'ai convaincu. Puis ils m'ont pas mis dehors. Puis ils m'ont trouvé suspect. Puis ils m'ont regardé balle. Si j'ai à perdre l'emploi, m'a perdre l'emploi. J'étais pas comme un paquet. Il y en a qui leur souffleuse, c'est de rester chez eux. Non, moi, j'y allais, puis je parlais. Mais pas dans l'espoir que ça va marcher, pas avec la crainte que ça ne marche pas. Je m'en balance. Et c'est là que j'ai découvert l'attente active. Tu te mets en disponibilité. Tac, tac, tac, je veux une plus belle souffleuse. Es-tu capable de programmer? Oui. Là, me donner un jouet. Ben, je te donne le jouet, tant qu'à y être. Mais c'est là qu'ils savent que je peux programmer. La majorité, hey, c'est pas ça que je veux! Bon, mais ils résorbent. Lentement, ma souffleuse a rejoint les autres, et puis lentement, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait un paquet d'affaires qu'il fallait abandonner, mais totalement abandonner. Je me suis rendu compte que j'avais un grand nez. Très grand nez. Ce grand nez-là, c'est notre carotte. Oh, ça nous fait avancer, parce que c'est là qu'on sent que ça va se terminer. Je sens que je vais guérir, je sens que je vais fusionner, je sens que je vais avoir Dieu, je sens que je vais rencontrer le Christ, je sens que n'importe quoi. C'est mieux d'avoir donné beaucoup. Là, ce coup-là, le billet de loterie, là, tu sais, là, j'ai, ils sont 5 millions. Là, je suis sûr, C'est ça, le grand nez. On est grand, grand nez. Puis on sent que ça s'en vient. C'est vrai que ça s'en vient. Le nez, c'est notre ego. Puis il y a deux choses. Ou comme Pinocchio, toutes les fois que tu sens, t'es tellement content que ton nez grandit, et quand il grandit ton nez, là, c'est lui, il accote sa solution, ton nez. Hein. Quand il grandit, il repousse la solution. Fait que plus tu t'égoïses, plus loin c'est. Je l'ai dit souvent en séminaire, plus on est patient, plus vite ça va, plus on est impatient, plus le temps ça prend. Puis là, quand tu commences à... plus tu avances, plus tu repousses la solution, fait qu'on a beau la sentir, hein, jamais on l'atteint. On la pousse avec notre grand nez. Alors, j'ai découvert qu'il fallait absolument qu'au fur et à mesure que je sente un petit peu, puis que je me dise, bon, c'est juste suffisant pour que je sache que là-bas, il y a la solution. Mais là, m'arrêter de sentir, puis c'est un peu pour mettre le nez en l'air. Tout le monde dit, pour qui il se prend? Ben, c'est ça, j'ai le nez en l'air. Là, mon nez, il n'accorde plus la solution. Je ne la sens plus non plus. Fait que là, j'ai même plus, je ne peux pas marcher avec de l'espoir, j'ai même pas l'odeur que ça va s'améliorer. Je mens. Mais je sais que ça va s'améliorer. Il y a un avantage, c'est que pendant que la majorité de l'humanité avance avec le grand nez, en poussant une solution, bien, il y a au minimum une solution monétaire qui ne bouge plus, la mienne. Mais mon nez est en haut. Et là, je m'en vais dessus. Fait que je vais arriver dessus. Alors que tous les humains, avec leur grand nez, repoussent la solution. Fait que tout le monde le sent. Donc, on le sent donc que ça s'en vient. Même les pays ont un grand nez collectif. Puis on sent que ça s'en vient. C'est la séparation du Québec. Ah, c'était évident. C'est évident. Question de temps. Là, 8 ans, là. C'est évident que c'est évident. Question de temps. Mais avec nos grands nez, on va bien. L'être humain. Bon, une fois que j'ai fait ça, j'ai découvert aussi qu'il fallait que je manipule. Pourquoi? Parce que toute la gang de tarlats autour de moi, ils me forçaient continuellement à baisser la tête pour pousser ma solution avec mon grand nez. Alors, on m'envoyait des témoins de Jéhovah, on m'envoyait des voisins, on m'envoyait de la famille, on m'envoyait n'importe quoi. Pour me dire de marcher soumis, c'est que le nez qui traîne à terre, le tout ça, tout ce qui se passe. Quand l'être humain veut changer de souffleuse, quand l'être humain veut changer sa condition de vie, il doit premièrement, ça c'est très important, c'est au moins utile à comprendre, on ne peut pas rien faire sans ça, c'est qu'on ne prend pas notre souffleuse avec nous autres, puis on s'en va dans le meilleur track. Non. On doit laisser ça là, être attaché après. Elle est faite pour souffler ça. L'autre là-bas, c'est de l'eau qu'il faut qu'elle ramasse. La tienne, elle ne peut pas faire ça. Si tu veux aller dans une place plus chaude, pour que toi, tu t'en ailles là, puis tu abandonnes tout ce qui était inhérent à ton monde. Est-ce qu'on peut dire que l'âme ou l'ego te retient les deux mains après la souffleuse, puis il faut que tu coupes ça? Oui. Quand le Nazaréen avait dit à une personne, il avait dit ça de même, c'est plaisant, parce qu'il savait bien que l'autre ne pouvait pas le faire, c'est que si tu veux me suivre, prends tout ce que tu as, vends-le. Puis prends ton argent, puis donne-le. Il faut qu'il reste à rien. Alors, ce que tu fais, tu prends ta peau, tu l'arraches. Puis tu l'arraches. Là, tu changes de souffleuse. Mais c'est évident qu'il n'y a plus personne qui te reconnaît. C'est évident qu'il n'y a personne qui comprend. C'est évident que tout le monde veut te récupérer. Les jaloux, comme ceux qui ne comprennent pas, comme ceux qui ont peur, comme les angoissés, comme ceux qui, au nom de l'amour, veulent t'empêcher de devenir ce que t'es. T'es en train de les fous. Ouais. Ils ne comprennent plus. Mais c'est ça qu'on doit faire. Oh, c'est dur. C'est dur. Savez-vous pourquoi c'est dur? Parce que c'est pas le temps que ce soit fait par tout le monde. Quand c'est le temps, c'est pas dur. C'est dur de rester. Tant que ce n'est pas le temps, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on peut accélérer ce temps-là? On n'accélérera pas son évolution. Oui. L'être humain qui a la mathématique mentale suffisante pour être capable de comprendre l'intelligence même, de devenir plus simple. On doit instruire son ego. C'est la solution. En instruisant son ego, en cessant d'espérer aboutir, en cessant de rechercher continuellement de la rapidité de notre évolution, en devenant patient. Il y aura un seul piège qui va rester au bout de ça. OK. C'est que ça marche. C'est un piège? Oh, c'est le pire. Puis j'en ai rencontré des individus qui, après certains séminaires, ça marchait. Il avait abandonné le travail, il a changé de travail, il avait abandonné les personnes avec qui il vivait, il avait changé de quartier, il avait déménagé, il avait, dans leur conscience, leur mémoire, clairé des affaires aussi. C'est pas nécessaire de toujours abandonner le travail, puis tu abandonnes la forme dans laquelle tu pointes au travail. Bon, il y a des gens, c'était correct. Là, ils venaient me voir, ils me disaient, ça marche! Ça marche plus. La semaine prochaine, c'est quand tout va trop bien. Quand tout va trop bien, tu te casses la gueule. Pourquoi? Parce que tout le temps que ça ne marchait pas, tu travaillais, tu étais alerte, aux aguets. Maintenant que ça va bien, tu t'endors. Il y en a un, lui, c'était un vétéran. Au moins 7 fois, il est passé me voir, me disant, ça y est, là! Je dis, fais attention. Non, non, non, non, non, non! Il venait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il ne revenait plus. Mais non, ça ne marchait plus. Ça, c'est l'un des ultimes pièges, l'un des derniers pièges majeurs qui s'adresse au fondement même de l'animal humain qui nous habite. Quand ça va bien, on s'endort. Bien dangereux. Il faut que ça aille mal un petit peu, peut-être bien réveillé. Non, il faut que tu sois juste intelligent et conscient. Si l'être humain évolue pour fuir la souffrance, pour fuir la peur, puis pour aller chercher le bien-être, ça, c'est pour ça que l'humain évolue. L'humain va aller au paradis, l'humain veut avoir la paix, avoir de l'argent, puis avoir des gains. L'humain ne veut que fuir le problème. Et dans sa solution, il y a le problème. Mais ça, l'humain ne peut pas le voir. Et si au lieu d'évoluer, parce qu'on dort mal, parce qu'on peur, parce qu'on veut savoir si on va se réincarner ou si on va vivre après notre mort, parce qu'on a peur d'être à côté du chemin prévu par Dieu, parce qu'apparemment qu'il y a 144 853 élus, puis le reste capote aux poubelles, parce qu'etc., on est fait. Pas bon. On évolue pareil. Mais maudit qu'on souffre, c'est absolument écœurant. On souffle la neige, là, puis en plus, on met des grappins en arrière là, pour avancer trop vite, là, parce que, tu sais, en tout cas, pas se prendre pour un autre, hein, faut souffrir un peu. Si à la place, on avait une raison intelligente d'évoluer, moi, j'évolue pas en souffrant, j'ai une raison intelligente d'évoluer. Laquelle? C'est une bonne question, là. Que tu deviennes premier ministre, grand monarque ou docteur ou. Non, docteur, non, quand même. Je tiens à rester. Laquelle? Laquelle raison que tu as d'évoluer? Ma raison intelligente d'évoluer? Oh, je ne sais pas si ça peut être compréhensible, on peut répondre, mais une chose certaine, c'est qu'on doit absolument avoir une raison intelligente d'évoluer, pas une raison émotive. Première raison intelligente d'évoluer, premièrement, je suis dans une mécanique. Tant qu'être dans une mécanique, je vais m'huiler, puis il m'a accepté d'être dans la mécanique, puis il m'a tourné dans l'engrenage. Fait que m'arrêter de me faire casser des petits bouts à travers la lutte que je vais faire contre, même si ça ne sert à rien. Première raison. Deuxième raison d'évoluer, plus j'évolue, plus je me rends compte que ma puissance augmente. Pas mon pouvoir, ma puissance. Si ma puissance augmente, ça me donne une expansion de conscience, donc je vois plus. Une chose certaine, c'est que je ne comprendrai pas ce que je fais ou ce qui se passe dans la création avec une conscience médiocre. Je dois grandir au niveau de la conscience. Et en faisant le travail d'évolution, le travail d'énergification, bien, la conscience grandit, donc j'ai des chances de voir de mieux en mieux. Autrement, c'est comme si j'ouvrais des yeux dans des mondes différents. En partant, ça devient une raison fortement intelligente d'évoluer. La solution, je ne l'ai jamais vue en arrière. Après des millions d'années d'histoire de l'humanité, elle n'est pas en arrière. Personne n'est allé voir dans le neuf. Je vais voir dans le neuf, c'est intelligent. Si je me casse la gueule, je me casserai la gueule. Mais j'ai une chance sur deux. Une a été vérifiée, on se trouve qu'on casse la gueule. Il reste là d'en avant. Troisièmement, l'autre raison intelligente d'évoluer, c'est qu'à travers l'expansion de conscience que je vis, nécessairement, je vois plus. Voyant plus, je vois des mécaniques, je vois des contingents, je vois de l'intentionnalité. Je peux facilement supporter l'idée que la création est un accident. Plus aucun problème. Donc, j'ai pas besoin d'avoir recours à une théorie divine qui prétend qu'il y a un créateur qui s'ennuie à mourir, qui a bâti une planète Terre, qui a mis des humains dessus, puis qui dit à l'humain, ben évolue, puis viens me rejoindre. Moi, j'aurais été un dieu, j'aurais créé un humain pour me distraire tout de suite, je ne l'aurais pas créé de façon à ce qu'il évolue. Puis en plus, je ne l'aurais pas placé dans un contexte hyper manipulatif, comme j'ai déjà expliqué souvent. Tu prends 2 enfants de 2 ans, tu leur mets un couteau entre les mains, tu dis, vous avez un couteau, mais servez-vous-en pas. Bon, tu les mets dans un parc. C'est risqué. Les dents vont s'en servir. Bon, c'est ça qui est arrivé sur la planète Terre. Troisièmement, ça me donne accès à une conscience de plus en plus volumineuse qui me permet d'entrevoir l'intelligence de la mécanique même de la destruction de la création, de la stupidité du phénomène créationnel, de la stupidité ou de l'illusion cosmique, du mensonge cosmique au niveau du temps, au niveau de la matière, au niveau de tout ce qui est densifié dans la structure atomique qu'on connaît nous autres et qu'on vénère quand même par le corps physique et la matière. Et ça me donne, j'ai présentement une vision tellement plus globale de ce que c'est que de l'humain, de ce que c'est qu'une planète, de ce que c'est qu'un soleil, de ce que c'est qu'un système solaire, une galaxie ou un univers, que veut pas, présentement, j'ai une raison intelligente de continuer à avancer, c'est que dans ce chemin-là, il se trouve qu'on voit plus. Alors que tous les chemins employés par l'humain jusqu'à date, il se trouvait qu'il voyait moins. Mais que, pourquoi tu vois plus? Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que je vois plus. On disait tantôt que le bonhomme qui gèle après ça, il est peut-être, s'il n'en est pas conscient, il est moins pire que l'autre. Ouais, ça m'a permis jusqu'à date de découvrir qu'il y avait des postes ouverts. Et j'ai postulé pour ces postes-là, puis je les ai eus. C'est quoi? Et avec ces postes-là, ben, tu as des privilèges, des prérogatives. Je ne vois pas plus vite que personne. Je ne suis pas meilleur que personne. Mais moi, tu te demandes plus intelligent que bien du monde. Puis n'importe quel être humain, non, c'est faux, mais il y a énormément d'humains sur la planète, surtout au Québec, du moins surtout sur la partie nord de cette planète, qui ont la faculté, qui ont la capacité ou le potentiel génétique pour devenir intelligent. Remarquez que l'humain, il est intelligent, sauf que moi, je suis moins pissou que la majorité des humains. Je ne fuis pas mon intelligence. Qu'est-ce que c'est fuir son intelligence? Qui je suis pour prétendre dire telle affaire? « Ah, mais j'ai pas lu, je peux pas répondre. »« Ben, réponds-le pareil! » Ben, c'est une connerie. Puis, dans ce que tu vas lire quelque chose qu'un gars a répondu avant d'avoir lu. Bon, ben, c'est une connerie. Oui, mais il faut quand même faire l'expérience des humains. Oh, ouais, fait que ça fait 35 millions d'années qu'ils travaillent mal. Maintenant, tu penses que parce qu'ils ont l'expérience du mal, ils sont bons, ils travaillent bien. Non. Il y a pas une théologie qui aboutit sur la planète Terre. Oh, ça enseigne des choses véridiques. On en a parlé un peu la semaine dernière. Ça ne change pas l'humain. Premièrement, les théologies s'adressent à l'âme. L'âme est la seule chose dans l'univers qui n'évolue pas. Ça cumule de la mémoire, ça n'évolue pas. L'âme, ça ne comprend rien, ça apprend. Puis quand tu y mets de la mémoire, bien, tout le neuf qui vient, c'est pas en affinité avec ce qui est déjà rentré, ça devient dur d'adaptation. Plus on va accumuler de mémoire, normalement, plus on vieillit, plus c'est tough de changer. Alors qu'on a juste à décider qu'on change. Tu manges la chenoute, c'est évident que l'ego va avoir mal. Que l'ego va transpirer, que l'ego ne voudra pas, que l'ego va vouloir aller à l'église, que l'ego va vouloir faire les vieilles affaires. Pas grave, ça. Qui mange, là? Toute l'intelligence passe son temps à souffrir à cause de ça. Moi, j'ai une raison extrêmement intelligente d'évoluer, c'est que je la vois. Je t'en ai énuméré sur plusieurs paliers, qui finalement est la même raison. Terminer, c'est pourquoi on est venu ici. C'est très intelligent. Premièrement, on n'a pas le choix. Par contre, on peut le faire confortablement. Puis on n'a pas le choix parce que nous avons choisi de faire cela. Dans un contexte intentionnel au-delà de la création, et à l'instant même où on s'était fusé à travers le monde créactivé, on gèle, hein? Bon, puis rendu dans ce contexte planétaire, vu là quelques millions d'années, on était rendu à l'état le plus gelé. Quelques millions d'années. Un peu fond, on gelait encore, là, 8000 ans. On était rendu dans le bas du bas, du point de vue physique. Là, on va arriver dans le bas du bas, du point de vue astral. Dans l'âge de fer, de l'âge de fer, l'âge de mal, de l'âge de mal. D'ici 1990 et quelques années, aller jusqu'à l'an 2023. Là, c'est au niveau astral qu'on tombe dans l'âge du mal. Alors que du point de vue physique, c'est fait de 8000 ans. Du point de vue vital, c'est fait de 2000 ans. Du point de vue astral, ça va se faire dans quelques années. Et après ça, on passe à la plus basse vibration de l'intellect humain. Ça va se faire vers l'an 3002, à peu près. Et par la suite, on ira rechercher la plus basse descente du plan supramental qui va se faire dans les années 6000. Après le passage du Nazaréen. Placer notre calendrier. Lui, il va passer, OK. Bon. Alors, il y a en masse de raisons intelligentes d'évoluer. C'est comme de dire, quelle est la raison intelligente de faire du conditionnement physique? Mais là, tu te dis, ben, entretiens mon corps physique. Ouais, mais tu vas mourir pareil, comme un gars, le gars, il est malade, il meurt, tu es en santé, tu meurs. Ouais, mieux vaut mourir en santé que mourir malade. Mais pourquoi? Ben, quand tu meurs en santé, tu ne souffres pas le temps que tu vis. Quand tu meurs malade, ça fait peut-être 20 ans que tu es malade, t'es franchement, tant qu'à mourir. Mieux vaut mourir en santé. C'est intelligent. Là, tu vas dire, oui, mais après, pour l'instant, je t'ai donné plusieurs étapes. Pourquoi après? De toute façon, quel que soit ce qu'il y a après, c'est plus intelligent et plus logique de mourir en santé que de mourir malade. Ça, moi, j'y échapperai pas. C'est plus intelligent de vivre riche que de vivre pauvre. Ah, mais le riche, il meurt, le pauvre, il meurt. Oui! Le pauvre, il vit toute sa vie, pas seulement avec des grosses souffrances. Puis quand je parle de riche, c'est pas celui qui a un million en banque. C'est celui qui peut faire ce qu'il a besoin de faire. Sans souffrance, sans insécurité psychologique par rapport à la matière. Lui, il est riche. Bon. Puis lui, ben, il vit. Parce que c'est intelligent d'être comme ça. C'est ça. L'être humain, à l'instant où l'humain a une raison, non pas émotive, mais intelligente d'évoluer. Moi, je meurs du jour au lendemain, je m'en fous. Je ne me suicide pas. Ça n'a aucune importance, aucune saveur. Alors, vu que je sais mourir, je sais vivre. Ça libère l'humain, la conscience de l'homme, ça la libère d'un paquet de manipulations. Parce qu'on ne peut plus me manipuler avec des vieux archétypes imbéciles. On peut pas. Ça, donc, je suis libéré. Il faut devenir un homme teflon. Oui, il faut que rien colle sur nous autres. On devient nécessairement individuel dans sa conscience. L'être humain doit avoir une raison intelligente. Les souffleuses, il y en a, puis on approche d'un laps de temps où il va y avoir de nouveaux modèles. C'est quoi de nouveaux modèles? Il y a de l'intelligence qui descend sur la planète Terre depuis 2000 ans. Cette intelligence, elle est focalisée, focussée, elle est augmentée, elle est concentrée depuis quelques années. Depuis 1969. On met toujours des dates pour trancher à un moment donné, là, mais c'est toujours un peu avant. Et cette intelligence, elle est en train de préparer des véhicules, des souffleuses. Elle est en train de préparer premièrement des corps physiques par le fait que des humains vont ouvrir leur conscience à du neuf. Pas qu'à Daniel Kemp, à du neuf. Tu vois une soucoupe volante, illusion ou pas, ton corps, est-ce qu'il bat plus vite ou pas? C'est ça. Si tu es en train de mourir, tu n'es pas capable de supporter du neuf. Si tu contrôles, tu penses, ton cœur a de la misère, tu es transitif. Il y a des chances que l'évolution génétique, la cellularisation à travers ton temps, te permette à un moment donné de supporter du neuf. Parce que la vision claire, intelligente de notre monde, il faut être capable de supporter. Il y a bien des choses. Tout ce qui vient du passé, il revole. Plus rien qui tient. Même pas notre mère, notre père ou nos enfants. Ça n'appartient même plus. Mais pas parce qu'on l'a appris. Ça devient vibrant. C'est évident. Ta femme, elle meurt. Tu pleures pas. Pourquoi? Ben parce que c'est comme si c'était une femme au Bangladesh, t'es mort. Tu peux pas l'aimer plus qu'un autre, un amour qui est intelligent, qui est simplement légal. Il est partout. Avant que si t'as encore un ego qui veut vivre avec ses vieilles trames, etc., il n'y a rien à faire. Tu risques de te suicider, de prendre de la boisson, de te droguer, de battre du monde, de faire un paquet de conneries. Ça instruit l'astral, puis ça a une utilité, mais mieux vaut ne pas être celui par qui ces choses-là vont venir. L'être humain qui voit la mécanique, il peut changer. Les souffleuses modernes s'en viennent. Première chose, accepter du neuf, qui que ce soit. Deuxièmement, ça essaie d'être un sida, c'est-à-dire un sinistre individu dominé par l'astral. Parce qu'on peut devenir un MTS, on l'a vu souvent, un martyr de la transition supramentale. Donc, on doit obligatoirement travailler pour cesser de parler les uns contre les autres. On doit travailler pour cesser de maudire toujours outré aussi ou ça. Ouais, mais ce style-là, il est manipulé. Quand c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ce gars-là, c'est la même intelligence qui t'habite, qui est dedans. Sauf que le véhicule, présentement, est assujetti à des cordes. L'astral, on peut piler dessus. Ça, OK. Pas l'humain. On peut pas chialer contre l'humain. Pas de sa faute. Ça devient tellement évident que quelqu'un te donne une claque en pleine face, tu peux pas l'haïr. Ça m'empêchera pas de taper sur son corps physique. Parce que le manipulateur s'en sert. Mais il y a une différence. C'est que moi, je peux taper sur quelqu'un sans l'haïr, alors que les autres devront taper en sécrétant et en l'haïssant. C'est dangereux parce que ça crée la peur. Moi, j'ai pas peur. Si quelqu'un m'attaque à un moment donné dans la rue, j'ai pas peur le lendemain matin de pas venir dans la rue, je reste pas traumatisé. Le passé, j'ai digéré, c'est fini. Il est en moi, mais il me hante pas. Alors que l'humain qui cumule son passé, il n'a pas le choix, ça vient le hanter, parce qu'il n'a pas le contrôle sur ce qu'il vient digérer. L'humain, donc, doit avoir, il y a une souffleuse qui s'en vient, on doit manipuler autrui. Êtes-vous intelligent? Voyez-vous des choses intelligentes? On doit s'organiser pour les appliquer. On ne peut pas convertir. On ne peut pas convertir un humain à devenir intelligent. Ça ne sert à rien. Par contre, quand il y a une idée intelligente quelque part, on la supporte. C'est déjà le minimum. On instruit l'astral. On fait comme Jean-Baptiste, on prépare les terrains. Ce qu'il faisait le bonhomme. Tu supportes. Tu as de l'intelligence quelque part, tu y vas. Tu as ton mot à dire, tu le dis. Il y a plein de choses. Ça demande de l'énergie. Allez fermer la fenêtre de ton automobile parce que peut-être qu'il va pleuvoir et que c'est tough. Oh, il ne pleuvra pas. L'espoir humain. Le lendemain matin, et merde. Là, il faut que tu y ailles, tu y suis tout. Parce qu'on est paresseux, on en brûle de l'énergie. Moi, je connais quelqu'un qui regarde dans son auto et il voit dehors la petite lumière du plafond qui est ouvert. Il fait froid, il fait moins 40. Il faut pour être dedans. Le lendemain matin, gnie. C'est plus concentré. Et l'humain la rejette. L'humain la rejette. Ça va engendrer des problématiques à l'échelle de la planète. On parle d'apocalypse, mais c'est fortement possible. Les égaux vont lutter en sacrableux. Tu vas avoir peur de qui? Tu ne sauras pas. Des Russes, des Américains ou de Dieu? L'intelligence supramentale qui frappe. Mais l'humain va décoder ça émotivement, puis c'est dangereux. Lorsqu'un être humain est capable d'accepter du neuf, lorsqu'un être humain décide de s'arranger pour s'observer, parce que l'être humain dit, « Ben, je vais essayer. Lequel des deux verres d'eau est toxique? Je le sais pas. Faut que tu en boives un des deux. Parfait. Si je meurs, tu mourras. Parce que tu apprennes, c'était pas le bon verre. 100% des chances, tu mourras pas. Il y a une chose. Tu viens pour le boire? T'es sûr de moi. Si t'hésites le moindrement, tu peux être sûr que ton astral, que le monde de la mort, tu veux servir l'intelligence, on ne permettra pas à ton corps de continuer à vivre. L'intelligence qui descend chez l'homme est un tueur d'âmes, un tueur de monde de la mort. Va résorber le monde de la mort, éliminer les souffrances, tous les vampires qui têtent l'humain en le manipulant. Alors, si tu hésites le moindrement, tu es immédiatement entre les mains de ce qui te manipulait avant, l'astral. C'est un danger. On va t'éliminer. On parle d'initiation par le feu. La journée que l'humain va se décider de se risquer, c'est l'intelligence qui va diriger. La problématique, tu prends un des deux, « Hey, je l'avais, ben, je suis meilleur que je pensais. » T'as pas de mérite. T'es pas meilleur que tu pensais, ça c'est l'ego qui parle. Recommence pas, tu vas prendre celui qui t'empoisonne. Okay? Tu le prends, tu le bois, voilà. C'est évident que je prends le bon. Et pourquoi? Ben, parce que je suis intelligent. C'est évident, c'est logique. Pourquoi devrais-je boire celui qui est toxique, qui mourir, qui me réincarner? Ça, c'est de la logique. Émotivement. Ah oui, mais il n'y a rien qui te dit que... Franchement, si on bâtit la planète depuis des millions d'années comme ça, il y a là au hasard, on réussit pareil. Fait qu'imagine-toi si tu te branches à bonne place totalement. Pose aux questions. Ouais. Qu'est-ce qui a un jour engendré la mécanique? Je me suis bien avec ça. Qu'est-ce qui a un jour engendré la mécanique? Très rapido, il y a eu l'explosion créationnelle. À l'extérieur de ça, la langue française manque d'à peu près... Il faudrait doubler le vocabulaire de la langue française pour arriver à parler des choses qui sont en dehors du temps, en dehors de l'espace, des choses qui n'existent pas mais qui sont là. Des choses qui ont des émissions à travers la création sans coordonnées géospatiales. Comme j'expliquais à un moment donné dans notre interviewer, c'est simple. La sortie de notre univers, elle est juste là, à côté de ton oreille. Puis il se trouve qu'elle est à la même place, à côté de l'arrêt de ténèbres de qui. Elle est aussi à côté de son nez, s'il veut. Elle est là où elle est. Il n'y a pas de coordonnées. Tu peux faire le tour de l'univers pour la trouver. Tu peux rester chez vous, puis elle va être là. Il manque de phénomènes. À l'intérieur même, qu'est-ce qui crée la mécanique? C'est une explosion d'énergie. C'est une supra-énergie qui engendre ça. On passe quand même des petits détails. C'est des choses qu'on voit plus au niveau d'un séminaire, qu'on a quand même 2 jours pour en jaser. La création crée une perturbation majeure dans laquelle s'instaure le temps et dans laquelle va se finaliser notre univers. Il y a une guerre entre chaque particule. Quand l'opposition devient relativement charitablement équitable, quand il y a un équilibre des forces, c'est l'harmonie totale. C'est la guerre! Ça paraît plus. C'est la mécanique. Ce sont les lois. Quand l'être humain évolue, il perturbe l'équilibre des forces, toute l'harmonie change. Donc, les vieilles lois tombent, de nouvelles lois sont instaurées, mais pendant le changement, ça a l'air fou, on vous dit. Il y a donc des lois qui datent de 30 000 ans qui sont plus bonnes, de 2 000 ans qui sont plus bonnes, plus adaptables à ce qu'on fait. Puis prochainement, on va aller te martyriser l'univers un petit peu. Il y a bien des lois qui vont changer. La mécanique, elle est mécanique, c'est issu de cela. La grande problématique, l'ego de l'homme veut savoir qui a fait ça. Personne. Personne n'a fait ça, personne n'a pas besoin de rien faire. C'est ça qui est la grosse problématique, il faut qu'on prenne d'autres termes. J'ai amené le terme supra-énergie à un moment donné, mais c'est donc pas ça. L'humain peut facilement colorer ça émotivement. Il n'y a pas d'intention. Il n'y a aucune raison de la présence de l'univers dans l'univers. Ici, l'ego ne peut pas supporter ce que je dis. Bon, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Il faut qu'il y ait un Dieu, un créateur, une force. Parfait, il y en a une! Il n'y a aucune raison que lui soit là. Parce que c'est la même chose. Si Dieu nous a créés, et pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu est là? Il sert à quoi? Il fait quoi? C'est un Dieu nuisible, comme une plante nuisible. C'est quoi? Puis qui l'a créé lui? On peut s'amuser. Ouais. Fait que lentement, on a mis fin rapidement, on a dit non, lui, il s'est créé lui-même. Donc, il est toujours là. Mais ça ne change rien. Si lui toujours était là, si c'est capable, s'il est capable, pour moi aussi. Pourquoi moi dans ce corps, pourquoi moi sur cette planète poubelle, je m'ennuie face à si peu d'intelligence en application, je ne peux pas me tuer et vivre ne me dit plus rien. Je survis quand je n'essaye pas de faire la grève. personne est présentement dans une phase où il y a un trou. C'est-à-dire qu'elle a suffisamment avancé son cheminement évolutif et son corps physique est en arrière. Sa génétique manque de cellularisation. Donc, elle ne peut pas continuer son cheminement évolutif. Elle est comme dans un trou où, présentement, elle ne goûte plus aucune saveur. Le corps physique continue son évolution, puis à un moment donné, elle va finir par rattraper la partie où le mental est déjà rendu. Puis là, maintenant, elle va continuer. On revient encore à la même chose. Patience. Cette planète poubelle est absolument génialement organisée. Quand on considère que l'intelligence vit sur une planète comme la planète Terre, il n'y a rien de plus stupide. On est dans le pire des mondes. Quand on considère ce que la matière a réussi à faire sur la planète Terre, c'est formidablement génial. On arrive même avec la matière, a même réussi à créer des avions. Ça pollue. Pour de la matière qui arrive à transformer le reste de la matière, on peut excuser sa pollution. Alors, ça dépend des niveaux où on veut se placer. Puis on doit savoir qu'on cohabite. Alors, on ne peut pas maudire tout comme ça. On a de l'intelligence encore, on n'a pas la capacité de l'appliquer. Pourquoi lui, dans ce monde? Simplement parce qu'il a suffisamment potentiellement de génétique pour être capable de supporter l'intelligence. Il a le choix. Il prend patience ou bien il décide de taper dans le tas. Tapant dans le tas, il risque de devenir un MTS, un martyr de la transition supramentale. Et s'il garde patience, c'est évident qu'il va rejoindre l'autre bout. Ça va recommencer. Le corps doit suivre. Pourquoi n'est-ce pas l'intelligence qui pousserait sur l'autre pour que l'intelligence soit à la bonne place? Tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi. Il y a deux souffleuses. On doit souffler la neige. Il y a un génie puis un con. Mais les deux poussent les souffleuses. Pourquoi l'intelligence irait s'en mêler? Le con est dans la grosse souffleuse. Mieux que ça. On a un être humain qui a du poil d'un grand maître. Lui, il peut aller dehors à moins 80 puis jouer le même. Pas heureux. Mais lui, il est dans la souffleuse avec la chaufferette. Il l'a éteint, il a ouvert les fenêtres. Puis il s'en est souffleuse. Moi, je suis le brillant, génial. Puis au lieu de marcher comme le gros magou-magou dans sa cabane, je pitonnerais, je programmerais, puis elle marcherait. Mais moi, je suis dehors avec mon anorak, mon manteau, mes mitaines, puis je suis gelé comme une crotte. Pourquoi que l'intelligence s'en mêle? Je pousse ma souffleuse, il pousse sa souffleuse. C'est quoi le problème? Toi, t'as un problème? Non. Alors, l'intelligence non plus n'a pas de problème. Nous voyons un problème. Nous, du point de vue humain, c'est pourquoi que c'est nous qui devons faire les choses. Parce que l'intelligence, elle ne le fera pas. C'était correct. Quand on parle de faire la grève, c'est un peu ça. Il faut savoir comment faire la grève. Parce qu'il y en a un qui va dire, à un moment donné, « Mais moi, je fais la grève, tiens! Je pousse plus la souffleuse! » Puis tu t'accotes dessus. Puis tu continues à faire avancer. Tu es convaincu que tu fais la grève, tu te fais charrier. Alors, quand on dit faire la grève, c'est pas de décider, « Bon, ben tiens, je vis plus. » C'est pollué, je refuse de respirer. Non. Tu vas souffrir, tu vas mourir, tu vas nourrir le monde de la mort, tu vas faire partie simplement d'un plan. Au lieu de prendre la souffleuse de luxe, tu as choisi de prendre la souffleuse encore plus basse. Puis tu appelles ça la grève. C'est pour ça qu'il faut faire attention à faire une grève, de penser vouloir faire une grève de ce genre. L'intelligence, ça s'en mêle pas. Pourquoi? Parce que je l'ai dit souvent, l'homme, c'est pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Tant que c'est fait, c'est fait. Il doit y avoir un riche pour pouvoir créer de l'emploi pour un paquet de monde. Qu'il soit con, qu'il soit intelligent, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Si ce qui est nécessaire est accompli, le reste, on s'en balance. Oh, vous êtes le dernier des employés. Brillant, fin, bon, gentil, tout. Le câble est en haut, lui. Puis toute la structure marche. Le reste en bas. Sauf si vous prenez le grappin et vous passez à l'assaut. Sans égo. Tu as déjà dit que les Rolls-Royce devront attendre les Lada. Ce soir, je comprends que quel que soit le véhicule, tous arriveront en même temps. S'agissait-il du même contexte? Explique, s'il te plaît. Tu nous as dit ce soir que tu pouvais prendre à ton bord un autre, alors qu'une souffleuse sera délaissée pour être poussée par quelqu'un d'autre. Quelle sera la raison qui fera en sorte à ce que tu prendras quelqu'un à ton bord pour lui faciliter son déneigement? Quand on prend quelqu'un à son bord, ce n'est pas pour faciliter son déneigement, c'est qu'on prend quelqu'un qui a compris qu'il fallait plus qu'on travaille. Fait que là, on va jouer aux cartes, tous les deux. En réalité, on va jaser, on va discuter, on va continuer à évoluer, puis on va gagner les souffleuses, on va acheter une compagnie. On va devenir premier ministre, monarque, dieu, puis plus. C'est juste ça. On cumule. Prendre quelqu'un à son bord, honnêtement, veut dire qu'à un moment donné, on devra se fusionner ensemble. Réincarnationnellement, habiter le même corps. Notre union sera illimitée. Les faisceaux se seront rejoints. J'ai déjà dit que les Rolls-Royce devront attendre les Lada. Donc, on a des souffleuses cheap, des souffleuses de luxe. Les souffleuses, c'est pareil. Quand je dis qu'ils devront attendre, c'est qu'à un moment donné, l'humain marche, marche, marche, sa conscience prend le dessus, mais son automobile n'est pas assez rapide. Ils vont en même vitesse. Alors, il vient un moment donné où, comme le personnage tout à l'heure qui a posé la question, où on doit s'arrêter. On veut avancer, ça n'avance plus. Mais par contre, on est toujours en Rolls-Royce. Ça fait qu'on allume la télévision, on ouvre le bar, on se verse un jus d'orange, et puis on attend. J'aimerais embarquer dans ta souffleuse, comment faire? Dois-je être du même faisceau que toi, la même marque de souffleuse? Toi, tu conduirais et moi, je contemplerais le paysage. Non, la personne, elle continue à faire ce qu'elle fait. C'est très bon, très bien. N'est-on pas davantage manipulé à vivre qu'à mourir par les hiérarchies cosmiques qui ont avantage à faire faire leur travail par l'esclave qu'est l'homme? Ça va de soi. Si la vie est une manipulation, quand on s'en rend compte, n'est-ce pas mieux d'en sortir? Premièrement, c'est évident que les hiérarchies astrales, le monde de la mort, les hiérarchies célestes, ont avantage à ce que l'homme vive. Parce que l'homme en vivant exprime le monde de la mort, il l'exprime émotivement, ce qui nourrit le monde de la mort. Par contre, de temps en temps, si la personne a trop d'intelligence, si elle devient un danger potentiel, on peut la tuer. Elle se suicide ou encore elle aura un accident. Puis il y a nécessairement aussi l'usure du corps par la trop grande agression de l'émotion à travers le corps qui finit par engendrer une maladie qui s'appelle le vieillissement. Qui peut aussi, donc, amener la mort. Si la vie est une manipulation, quand on s'en rend compte, n'est-ce pas mieux d'en sortir? Ça va de soi. La seule affaire qu'il y a, c'est qu'on en sort comment? On en sort par l'observation. On en sort par le contact avec l'intelligence, c'est-à-dire qu'on va rester manipulé, mais non pas par le monde de la mort ou par l'absurdité, on va devenir manipulé par l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'on va voir que quelque chose est intelligent d'être fait, bien, il se trouve que c'est ça qui va se faire. C'est ça, être manipulé par l'intelligence. Tandis que présentement, on est juste des frustrés. On voit que, mais c'est vraiment ça qui marche. Assez qu'on se dit que ça ne vaut même pas la peine de voir clair. C'est parce qu'on voit qu'on n'est pas encore assez puissant. On va devenir plus puissant en s'en égoïsant davantage. Il n'y a pas de problème. Le temps. Il faut encore attendre. Il faut faire quelque chose. Il ne faut quand même pas exiger d'avoir la réponse tout de suite. On s'en sort. La majorité des humains ne s'en sortiront pas. Et un des gros dangers, c'est d'attendre que les autres s'en sortent. Ou de se frustrer de voir comment ils sont manipulés. On fait encore partie du même lot. Est-ce que la douleur de mes pieds beaux, infirmité congénitale, disparaîtra lorsque j'aurai compris le pourquoi, moi, dans ce corps? Du moment que la personne va commencer à évoluer en se balançant de ses pieds, elle va commencer à souffrir moins de ses pieds. Les pieds vont rester handicapés. À l'instant où la personne va commencer à exprimer de l'intelligence, les pieds vont rester handicapés. Ça peut même empirer un peu. Lorsque la personne poursuit son cheminement, parce que ce qui l'intéresse, c'est l'intelligence, sa conscience, plutôt que ses pieds, à un moment donné, il y aura un symptôme très secondaire de l'évolution qui va apparaître. Ses pieds vont être guéris. Lorsque les 15,5 milliards d'années seront écoulées, est-ce à ce moment la fin du monde? Disons qu'un milliardième de seconde avant la fin, ça sera la fin du monde, puis tout de suite après, ça n'aura jamais existé. Ça fait qu'ils sont pas fait. Quelle attitude adopter face à un enfant dominateur, manipulateur, mais très émotif? Elle veut acheter mon livre, puis tirer d'en face. Elle veut ne faire qu'à sa tête, elle a 5 ans. Bon, premièrement, c'est un enfant Teflon. Un enfant nouveau. Quelle attitude adopter face à un enfant dominateur, manipulateur, mais très émotif? L'émotivité, chez certains enfants nouveaux, est une mécanique que les autres emploient dans le but de manipuler l'extérieur parce qu'ils se sont rendus compte que ça pognait. L'enfant n'est peut-être pas nécessairement très émotif. Par contre, il joue le jeu à merveille parce que de toute façon, c'est l'extérieur qui est très émotif. C'est évident que si elle est très émotive, je réponds comme ça, c'est toujours un peu dangereux. Je ne connais pas l'enfant, donc je ne l'ai pas vu, je n'ai pas parlé avec elle, je ne l'ai pas entendu parler, c'est plus complexe. Mais une chose certaine, c'est que si ses expressions émotives ne nous charrient plus, lentement, nous, on va se libérer, puis elle va changer sa manière de communiquer avec nous autres. Mais il y a tellement de paramètres, au niveau de l'adulte surtout, par rapport à l'enfant. Si l'enfant est échaudé par certains membres de sa famille, il ne doit plus avoir de contact avec ces personnes. Parce que l'enfant peut arriver puis cataloguer les individus dans un même tiroir, les adultes. Tiroir écrit arriéré. Et puis, il va réagir de la même façon que tout le monde, fait qu'on ne peut plus communiquer avec, ça devient extrêmement compliqué. Alors, il y a énormément de paramètres. Et c'est l'enfant très émotif. Non. Il est sans doute très acteur. Très manipulateur. Ça va de soi. J'évolue tellement vite que j'en souffre. Quelle en est l'intelligence? Continuez à évoluer parce qu'à un moment donné, vous ne souffrirez plus. Maintenant, il faut qu'on parle bien de l'évolution ascendante de l'homme. Je ne parle pas d'évolution spirituelle. Ça, c'est une évolution qui est horizontale. Je parle d'une évolution qui est verticale. Évolution par l'intelligence. Souffrez, oui, c'est la négoïsation. L'ego lutte contre toute forme de transformation des mémoires. Ben, c'est le chemin. À un moment donné, vous ne souffrirez plus. Pourquoi? Vous aurez tout brûlé, si tu peux souffrir. Je suis bien de souffrir beaucoup pendant moins longtemps que pas beaucoup. Si on peut le supporter, c'est évident. Y a-t-il une vie avant la mort? Si oui, où? Bon, une question intéressante dans ce sens qu'il faudrait qu'on se demande, premièrement, s'il y a une mort. Bon. La vie, c'est l'expression d'un déplacement. Je parle de la vie dans notre univers. C'est la vie, l'expression d'un déplacement de la matière sur la matière. Cela engendre aussi l'écoulement du temps. Alors, en ce sens, la Terre vit depuis sa création. Il y a eu des volcans, des ouragans, il y a eu la création d'un paquet de phénomènes. Les bébés à quatre pattes, à deux pattes, avec des ailes ou les poissons, ça vit, ça se déplace. Une personne ou un animal qui ne bouge pas, ça vit. Les cellules se déplacent, le cœur se déplace, le sang se déplace, l'énergie dedans se déplace. Il y a un déplacement. Ça, c'est la vie. La mort, c'est l'abstinence totale de déplacement. Alors, on va dire une personne en envoyant son corps mort, on va dire qu'il est mort. Ça, c'est de notre point de vue. Parce que l'âme ne l'anime plus. On ne voit pas le déplacement. Par contre, une chose qui meurt crée la vie. Une plante qui meurt, ça crée suffisamment de compost pour recréer la vie. Donc, c'est jamais mort. Autre chose, avant la création, il n'y a pas de vie. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Avant la création. Après la création, il n'y a pas de vie. Et juste comme ça, il n'y a même pas de création. Nous, on pense qu'on est dedans, on s'amuse. C'est une grosse illusion, intéressant. Illusion ou pas, on doit compter avec. Mais la trame de l'extra-créationnalité, elle a créé notre création survenue. Autrement dit, la ligne n'a jamais été interrompue. Il reste nous autres comme créatures du temps. Alors, si on parle au-delà de la création, il n'y a pas de vie. Il n'y a même pas d'existence. C'est pré-existentiel. Ce n'est pas expérientiel. Ça n'expérimente pas pour savoir, ça a un savoir instantané. C'est intentionnel. Ça peut créer. Oh, l'intentionnalité à travers l'ajusteur de pensée peut donner à l'être humain, à l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, la capacité de créer. C'est là que notre libre arbitre commence à changer, qu'on peut manipuler l'extérieur puis qu'on peut changer souffleuse. Où est une question qui ne se pose pas? Dans n'importe quelle manière. Où sommes-nous présentement? Où es-tu, Charles, présentement? Je suis en train de lire. Oui, mais où es-tu? Pas qu'est-ce que tu fais. Où es-tu? Montréal. Montréal, c'est où? Sur la planète. Et où la planète? Je sais pas. Dans le vide, en quelque part. Alors, ça vous tient à peine de savoir qu'on est à Montréal? Non. C'est sûr que c'est bon de savoir qu'on est à Montréal par rapport à Québec. Mais quand on pose la question « où » fondamentale, nulle part. Nulle part. On est nulle part. On est en plein centre de l'infini. Ça veut dire que n'importe où ce qu'on va être, on va être en plein centre. On est où? Nulle part. C'est comme j'expliquais à un moment donné. On est en quelle année? Ça dépend d'où tu pars. Ben, ça dépend de ce que tu as besoin de savoir, mais du point de vue des points de vue de cosmique ou extra-cosmique ou extra-correctionnel, 1988, ça n'a plus aucune valeur. C'est dans l'éternité. Alors, on a décidé que dans l'éternité, on commençait à compter à partir de là. En avant, il y a aussi long que là-bas. Puis plus qu'on avance, même affaire. C'est infini des bords, des deux côtés. Et finalement, on n'avance même pas. Mais non, c'est une illusion. Alors, où c'est la même chose, où? Ici. L'homme évolue-t-il plus vite dans un corps en santé? Pas nécessairement. Ça dépend de l'ego, ça dépend des mémoires réincarnationnelles qui l'habitent. Et il faut faire attention. L'homme peut évoluer mieux, pas plus vite. Est-ce que les défauts et qualités d'une personne sont inscrits dans les gènes? Oui. Ce sont ces gènes qui attirent. Le gène lui-même n'a pas de défauts ou de qualités. Mais le corps physique peut permettre l'expression motrice, gestuelle ou encore phonique de quelque chose. Et ce qui se réincarne vient dans le corps à cause des gènes. Puis là, maintenant, se sert du corps physique puis l'exprime, en défaut ou en qualité. Alors, c'est évident que le gène est conditionnel de ce qui va habiter le corps physique, du défaut ou de la qualité. Mais on bâtit un enfant. Bon, mais je ne veux pas, ça n'arrivera jamais. Mettre un au monde, enfanté, non. Féconder un ovule en plein milieu de l'océan. Dans l'océan, dans l'eau. Féconder l'ovule, avoir la gestation de l'enfant à travers une matrice quelconque et donner l'accouchement à un enfant. Quelle que soit la génétique, il n'y aura rien de réincarné dedans. Parce qu'il est en dessous de l'eau? Oui, l'astral pénètre pas l'eau. À quoi ça va servir? Ben, rien, c'est un mort vivant. Ça ne sert absolument à rien. Ben, peut-être, oui, il peut pousser ta souffleuse. Il ne suffira même pas. Si tu es dans un domaine où l'astral prévaut, ben, immédiatement, ton corps physique attire les mémoires réincarnationnelles. Donc, nécessairement, ce qui se réincarne a des défauts et des qualités. Et le corps permet de l'exprimer. Donc, l'individu a ses défauts et ses qualités. Le fœtus aussi, hein? Le fœtus, ça va de soi. Il est nourri par le sang harmonisé de sa mère. Et puis, il reçoit réincarnation sur réincarnation. Je connais beaucoup de monde qui cherche à évoluer et qui ont eu des enfances de maladies graves. Y a-t-il un lien? Non, moi j'en connais un crime de paquet qui n'ont pas eu de problèmes dans leur enfance, qui cherchent aussi à évoluer. C'est inhérent à l'homme. C'est parce que chaque partie d'âme de l'homme est constituée par une partie luciférienne. Lucifer étant le père créateur de l'humanité du point de vue de l'âme, nécessairement, tous les humains veulent évoluer. Par contre, il y en a qui sont suffisamment refroidis. Leur évolution est reliée à un culte des ancêtres, un culte de la nature, etc. Mais tous les humains veulent évoluer. La souffrance dans le passé, elle a évidemment donné. Cet individu-là avait besoin de plus de coups de pied au cul pour s'ouvrir sa conscience. Tandis qu'un autre, sa génétique, qu'est-ce qu'il a réincarné, n'avait pas besoin d'autant. Ils vont comme ça. Puis l'individu ne peut pas dire, alors, ça veut dire que je suis moins bon. On n'est pas moins bon, on n'est pas meilleur. Ça, si on élimine totalement ça, on élimine déjà un gros paquet de problèmes. On est simplement des êtres. Puis quand on aura l'intelligence, on aura l'intelligence. C'est la même chose. Pour l'instant, ça ne change absolument rien. On fait un travail. Il y a tellement de conneries dans le monde de la mort qu'il doit y avoir un esprit, un de vous autres, qui doit descendre et qui doit se dire, il faut qu'on purifie ça. C'est ce qui va arriver. Quand le Jean de Patmos dit qu'à un moment donné, il n'y aura même plus de monde de la mort, les gens voudront se tuer, ne trouveront pas la mort. On l'aura intégré, le monde de la mort. Alors, il y en a un ici, une là-bas, un autre ici, qui descend à un niveau espritique, qui ramasse dans le monde de la mort des conditions particulières, puis qui les implante dans un corps physique. Là, le corps se réveille avec les mémoires réincarnées, puis il se dit, « Ouais, mais je suis moins bon qu'un autre. » Le travail est le même. Ramasser quelque chose de bien, quelque chose de mauvais, on doit l'amener dans la planète, le digérer dans un corps physique, puis le léguer de façon à vider le monde de la mort, son expérience. Il n'y a pas de moins bon ou de meilleur. Il y a plus agréable, moins agréable. Et je viens de vous expliquer qu'on peut changer. Sine qua non, accepter le neuf. Sine qua non, comprendre qu'on doit s'en égoïser, se manipuler nous-mêmes. Sine qua non, exprimer l'intelligence. On aura de la misère. On va encore sacrer, pas encore chioler. Observons-le, prenons-en conscience. Puis avalons-le. On saura que chez nous, il y a de quoi qui gueule et qui chiale. Puis que chez nous, il y a quelque chose qui le sait, puis qui l'observe. Puis que ça, ça gueule pas. Puis que ça, ça chiale pas. Puis soyez patient, vous allez digérer votre ego. Puis nécessairement, on va vous donner une souffleuse géniale. Pourquoi on va vous donner une souffleuse géniale? On vous donnera rien. Il y a une souffleuse qui est là, qui attend, puis qui va simplement attirer son conducteur. Qui? On s'en fout, qui? Son conducteur. Ça peut être n'importe qui. Donc, ça peut être vous autres. Dans une de tes conférences précédentes, l'évolution des handicapés, tu disais que si un humain naît avec une malformation ou handicap quelconque au niveau physique ou mental, que ça n'a rien à voir avec lui-même. Alors, pourquoi lui ou elle, avec son karma, mécanisme ou pas, où est l'intelligence, la finalité, un hasard peut-être, mais fâcheux. Encore là, le hasard n'existe pas. Assez embêtant d'essayer de changer de souffleuse lorsqu'on est aveugle, handicapé, sourd et amputé. Si on est aveugle, handicapé, sourd et amputé, bien souvent, on n'a même pas non plus la conscience pour savoir qu'on est là. Donc, la question se pose même pas. Puis se projeter pour essayer de comprendre l'intelligence du fait que l'autre est comme ça, c'est comme vouloir se projeter dans une colonne, puis de souffrir pour elle. Puis pauvre colonne, quand elle entend tout ça, puis qu'elle ne peut pas rien appliquer. Puis quand elle sait qu'il neige, qu'elle n'a jamais vu ça, c'est maudit qu'elle doit souffrir. Elle ne rit même pas de vous autres, elle ne peut même pas. Alors, il faut comprendre l'intelligence de ce qui habite un handicapé. Et le handicapé de naissance paie un karma collectif. C'est quoi l'intelligence? Il n'a pas de bras. Il est aveugle. Il est sourd. Handicapé total. C'est quoi l'intelligence? Ça vous permet à vous autres d'avoir des bras, d'avoir une vue. Dans l'astral, à travers toutes les conneries que l'humanité a faites, il y a un karma noir qui est absorbé. Un l'absorbe, libérant les autres. C'est très intelligent. Je suis bien d'accord avec ça. Et si ce serait moi l'handicapé, je n'aurais pas conscience pour être con. Ça ne changerait pas grand-chose. Donc, je serais d'accord, veux, veux pas. Puis le handicapé qui, lui, peut évoluer, c'est-à-dire qu'il a peut-être deux bras en moins, peut-être qu'il est né supportant les médicaments comme la thalidomide, peut-être, ben voilà quoi. S'il a la conscience pour évoluer, ça change quoi? Il va évoluer. Il n'y a pas sa planète Terre pour conduire un bulldozer. On parle de souffleuse. C'est un parallèle. Ça n'empêche pas l'être humain d'évoluer, le fait qu'il faut qu'on le fasse manger puis qu'on le lave. Absolument pas. C'est dur pour son ego. Pourquoi? Parce que nous l'avons handicapé. Puis non, ça ne le dérange pas pantoute. Il va évoluer autant. Surtout que dans l'Antiquité, les handicapés, il n'y a pas de conscience. Même ceux qui ne l'étaient pas n'ont pas beaucoup de conscience. Le handicapé aujourd'hui, ouais, il ne peut pas se déplacer pour venir à un séminaire. Non. Mais remarquez que sa conscience vient dans un corps physique handicapé, alors qu'il y a une société ou une technologie qui peut se déplacer jusque chez lui. Télévision, radio, les cassettes, les livres. Non. L'handicapé ne souffre pas plus qu'un autre. L'handicapé peut être jaloux. Plus? Non. Il y en a qui ont tous leurs membres et qui sont jaloux au coton de ceux qui font ci, ceux qui font ça, ceux qui gagnent ci, ceux qui gagnent ça. Non. L'handicapé évolue s'il a évolué du point de vue d'une conscience. Sinon, il fait évoluer ceux qui ont de la conscience. Il y a énormément de peuples sur la planète Terre qui sont là exclusivement pour qu'on ait le luxe ici. On appelle ça le tiers-monde. C'est les deux tiers-mondes. C'est intelligent. C'est logique. Je ne dis pas ça parce que je suis ici. Je suis venu au monde ici parce que c'est de même. Et puis, c'est pour ça qu'on leur donne des affaires, c'est pour ça qu'on s'en coupable. Puis qu'on les aide. Mais juste assez pour que jamais ils s'en sortent. C'est évident. Ils supportent un des grands, grands poids de karma planétaire pour nous monter. Savez-vous qu'est-ce qu'ils se font? Il y a un tremplin bien mal équilibré. Toute la gang embarque sur ce bout-là, puis on est tous ici, nous autres. Quand on est ici, le tremplin est le même. L'intelligence est là. Fait que la gang, eux autres, ils voient tout ce qui est là, puis ils se disent, crime, on va monter sur la tour de Babel, puis on va aller voir en haut. Et quand ils commencent à monter, la gang là-dessus, lentement, ça fait ça. Ça fait un équilibre. Ils se garochent tout. Plus il y en a, et la gang, c'est collectif, hein? Plus il y en a. Là, nous autres, on arrive en haut. Là, on prend l'intelligence. Quand on a pris l'intelligence, maintenant, on va s'organiser pour faire monter ceux-là avec. C'est juste simplement une question d'équilibre. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Voilà quelques centaines d'années, c'est d'autres qui parlaient. Moi, je grattais. Bon, ben, c'est ça, chacun son tour. Donne des exemples du libre-arbitre de la conscience, de l'humain par rapport à ce qu'il ne peut pas changer. Le libre-arbitre de la conscience va obliger la transformation de l'ego. Ça, c'est la première forme, c'est-à-dire... Parce qu'il faut faire attention, la conscience ne changera rien sur la planète avant quelques années. Alors, la conscience, elle commence par instruire l'ego et elle peut totalement refaçonner l'ego. Le désassujettissant des manipulations extérieures, sociales et du monde de la mort, ainsi que du phénomène réincarnationnel. Première expression du libre-arbitre de la conscience. À un moment donné, vous allez voir que c'est intelligent, que vous ne chialiez plus, que ça vous arrive, que ça vous fasse plus souffrir, que vous voyez plus ça comme ça, que vous perdiez plus la mémoire, que vous oubliez.